Et voici Marcel Noblat et ses 80 chasseurs. Pour l'ouverture de la chasse, dans un château riche en gibier, une marquise au fin limier invita des chasseurs en masse. Il arriva de fin tireur, mais grande fut notre surprise. Au rendez-vous de la marquise, nous étions 80 chasseurs. Au rendez-vous de la marquise, nous étions 80 chasseurs. 80, 80, 80 chasseurs. 80, 80, 80 chasseurs. Allons chasseurs vite en campagne, dit la marquise, il faut partir. Que chacun se livre au plaisir, le son du cor nous accompagne. Au bruit des chants et des clameurs, plus d'une biche fut surprise. Accompagnant notre marquise, nous étions 80 chasseurs. Accompagnant notre marquise, nous étions 80 chasseurs. 80, 80, 80 chasseurs. 80, 80, 80 chasseurs. Après s'être couvert de gloire, dit la marquise, il faut rentrer. Ce n'est pas tout de s'illustrer, il faut encore manger et boire. Servez les mets et les liqueurs, et que la table soit bien mise. À la table de la marquise, nous étions 80 chasseurs. À la table de la marquise, nous étions 80 chasseurs. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Après cette illustre journée, on se disposait à l'amour. La marquise dans ses atours, par chacun d'eux fut convoité. Tous en obtinrent les faveurs, car la noble dame était grise. Et dans le lit de la marquise, comme j'ai dit, 80 chasseurs. Et dans le lit de la marquise, comme j'ai dit, 80 chasseurs. 80, 80, 80 chasseurs. 80, 80, 80 chasseurs. Ce fut une nuit mémorable, la marquise, 9 mois plus tard, mit au monde un joyeux bâtard, dont le renom fut redoutable. De ces jours ignorant l'auteur, il demanda qu'on l'en instruise. Tu es, lui dit notre marquise, l'enfant de 80 chasseurs.